Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 2. Pour le progrès de l'Est. Tout le monde connaît la politique de retranchement inaugurée par le gouvernement Mousseau. C'est une politique que tout parti devrait applaudir. Lorsque le pays avait besoin de mouvement, de travail, d'institutions et d'établissements nouveaux, le gouvernement, voyant que le plus grand bien résulterait pour la province, a accordé des octrois à ces établissements et à ces institutions, mais maintenant que l'élan est donné, ces institutions et ces établissements peuvent et doivent se passer de l'aide du gouvernement. C'est ce que le cabinet Mousseau a compris, et il a retranché et diminué ses subventions. Celles-ci n'étaient qu'un don temporaire, et pour le bien public, ces dons sont suspendus. Des bureaux, des administrations appartenant au gouvernement avaient nécessité un nombreux personnel pour leur commencement. Maintenant que les rouages fonctionnent à merveille, que le temps, ce grand maître, a enseigné des méthodes perfectionnées, a démontré que l'ouvrage se pouvait faire avec moins d'employés, ce serait du gaspillage que de garder le même personnel. Le pays devra donc être reconnaissant au gouvernement Mousseau d'avoir fait des économies qui pourront être utilisées pour le plus grand bien de la province. Et qu'on s'appelle libéral ou conservateur, il est plus qu'insensé d'y trouver à redire. Bien entendu, ces observations ont plutôt pour but d'apprécier la situation actuelle que celle qui a été faite aux employés publics par la commission civile. Nul doute qu'il y a eu des injustices graves commises envers de vieux serviteurs qui n'auraient pas dû être démis de leurs fonctions. Mais, puisque le cabinet est entré dans la voie du retranchement et de l'économie, il est à espérer que tout en se montrant juste, il sera ferme contre les envahissements du fonctionnarisme. Que M. Mousseau se fasse maintenant élire comme un homme et qu'il ne tâtonne plus comme il le fait depuis plusieurs mois. Quand on a une bonne cause, on ne craint point d'arborer son drapeau. De grâce, qu'il cesse de donner prise aux malveillants qui disent de tous côtés « Mousseau est une poule mouillée ». Allons, M. Mousseau, de la rondeur et de la fermeté. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.